C'est la crise. Ouais, on n'a pas de prise. C'est la crise et toujours pas de surprise. C'est la crise. Ouais, on n'a pas de prise. C'est la crise et toujours pas de reprise. Pas dépenser de blé, pas dépenser de blé pour manger. Faudrait pas dépenser de blé, pas dépenser de blé pour bouffer. Faudrait pas dépenser de blé, pas dépenser de blé pour becter. Pas dépenser de blé, pas dépenser de blé pour soins frais. Pour slide.